de m'accueillir à Eduk Pop. J'ai vraiment l'impression de venir faire quelque chose ici avec vous. Et ça me touche. J'ai un trac d'enfer. Oyez, braves gens, nous allons faire ensemble. Nous allons faire ensemble quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on va essayer. On avait parlé sur l'énoncé comment ça s'appelle, de l'intervention. On avait parlé de révolutionnaire. Pour moi, le révolutionnaire, c'est avant tout une révolution intime et personnelle, au même titre que le mot volte. Vous savez, à cheval, j'ai fait un peu de cheval, et quand on fait une volte, on change de sens. On essaye de. Oui, c'est vrai que j'ai de la voix, mais. On essaye de changer de sens, on essaye de se mouver, si je puis dire, qui n'existe pas dans la langue française. Donc c'est vraiment une tentative expérimentale d'user d'outils que le théâtre ou que les arts pratiquent pour essayer de créer un groupe et de faire ensemble. Donc moi, je suis Jeff. J'ai agi depuis quelque temps en tant qu'artiste facilitateur fouteur de merde sur la place. Et j'ai voulu revenir dans mon corps de travail, puisque je suis artiste depuis que je suis tout petit. Je ne sais pas faire autre chose, quoi. Voilà. Pour moi, être artiste, sans être provocateur, pour moi, l'art, ça provoque la réflexion, le rire, la réaction, le fait de se retrouver ensemble. J'ai expérimenté des choses dans la sensibilisation artistique auprès du milieu scolaire et ainsi de suite. Et c'est là pour moi, en tant qu'artiste, bien que je fasse ça depuis que je suis tout petit, au contact des élèves, au contact des amateurs, au contact même de l'entreprise, que j'ai l'impression personnellement d'être le plus dans ma fonction d'artiste dans la cité. Pour ce que j'ai pu faire en milieu scolaire, c'est aussi l'espace protégé ou faire l'expérience. Alors, pour ce que j'ai fait à droite, à gauche, j'ai eu l'impression que c'était aussi l'espace protégé ou faire l'expérience de son émotion, de ce qui nous meut, toujours en l'appliquant à un objet, une œuvre, une création, quoi. Là, en l'occurrence, ici, il ne s'agit pas de monter un spectacle, il ne s'agit pas de créer un texte, bien que je vous en dirai un mot tout à l'heure. Ici, c'est l'œuvre qu'on pourrait essayer d'expérimenter et que je vous demande de bien vouloir vous prêter à cette expérimentation, c'est arriver à faire ensemble. L'œuvre, c'est faire ensemble. Pour moi, sur la place. Ouais, pour moi, sur la place, pour moi, Nuit Debout, c'est avant tout un laboratoire, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de tentative pour nous changer. Voilà. C'est un outil participatif. Ce que je vais essayer de faire avec vous, si vous êtes prêts à vous y prêter, c'est de faire. Qu'est-ce que je dis? J'ai pris des notes pour éviter de dire des conneries, mais je vais en dire beaucoup. C'est un outil participatif, une expérimentation du faire ensemble. Voilà. Bon, je ne dis pas de bêtises, je crois, en rappelant que dans la Grèce antique, les citoyens étaient convoqués au théâtre, parce que le théâtre avait une vertu cathartique, comme on dit, quoi. Alors j'ai été regarder sur Wikipédia pour essayer de moi je suis moi je fais pas tout ce que je fais, je le fais pas avec la tête et intellectuellement, hein, je le fais avec mes pieds, je le fais avec mes mains, je le fais avec mon ventre, et c'est comme ça que je le fais. Mais malgré tout, Wikipédia ils disent, mais pas vous citer tout le truc parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire ensemble, mais ils parlent entre autres de purger certaines émotions et certaines pulsions ensemble. Quand les Grecs se rencontraient au théâtre, il y avait bien sûr quelques animateurs comme le Coryphée, qui était mais il y avait surtout le chœur antique. Et le chœur antique, à l'époque, il était constitué des artisans, des individus de la ville, qui étaient sommés de venir travailler et travailler ensemble devant le public pour que, justement, les questions soient pas seulement débattues, mais mises en œuvre. Mis en œuvre. Donc, voilà. Donc, là, je passe sur l'histoire du cathartique. Je vous fais une petite introduction. Wikipédia parle de « pour se purger de nos... » Ah oui, non, c'est moi qui dis ça. C'est peut-être un endroit, pour moi, Nuit Debout, pour se purger de nos formatages dans nos rapports sociaux individualistes, égoïstes, compétitifs, concurrentiels et ainsi de suite. Je viens d'avoir quelqu'un au téléphone qui me disait, qui était là au tout début, qui me disait combien on a été rapide et efficace dans la reproduction de tous les travers de la société sur la place. Voilà. Donc, pour moi, c'est un lieu laboratoire à prendre, à faire ensemble. Je suggère de travailler à ça. Donc, je vais utiliser quelques outils qu'on utilise dans le théâtre, mais aussi bien dans des grands théâtres comme les Bouffes du Nord, où ces exercices vont vous paraître un peu ludiques, un peu infantile, mais pourtant c'est des trucs qu'on continue à faire quand on a 50 ans de métier et que les metteurs en scène ou que les animateurs des groupes qu'on doit constituer pour créer ensemble utilisent pour nous amener à nous mettre en contact et quelque part à oublier qui nous sommes pour devenir pas qui nous sommes, mais j'allais dire ce que nous sommes, quoi. Tous nos travers, toutes nos fêlures, toutes nos émotions sont matière à faire, à créer de l'œuvre, quoi. Donc, je vais vous demander un peu d'indulgence, comme vous en apercevez, je suis assez, je tâtonne. Et pour moi, c'est autant une expérience à mener parce qu'on a envie de développer ce travail-là peut-être à l'intérieur de Nuit Debout, dans les AG et ainsi de suite. Donc un peu d'indulgence parce que si j'ai fait ça, j'ai eu la chance d'être invité à droite, à gauche pour faire ce genre d'exercice ou ce genre d'expérimentation. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait et j'espère que je vais pas faire trop de conneries. Bon, si je suis pas clair, je vais justifier le fait de ne pas être clair sur le fait que c'est de la nécessité de chacun d'entre vous de trouver la solution aux suggestions que je vous propose. C'est-à-dire qu'ici, pareil, sur la place, il faut bien chacun, à notre endroit, se mettre à apporter ce qu'on est pour faire ensemble, encore une fois. Bah alors, surtout, il ne s'agit pas de bien faire. On est en petit comité, donc ça va être assez facile. Il ne s'agit pas de bien faire, hein, parce que les conneries qu'on peut faire et les défauts qu'on a, les travers qui sont les nôtres, nos incapacités à faire des choses et le merdier qu'on peut créer est tout aussi productif que d'être bien, d'être intelligent, d'être fort et d'avoir des propos riches, quoi. On peut être pauvre, on peut être nul. Et c'est souvent de là que naissent les choses les plus intéressantes en création. Par exemple, je reprends Jouvet qui disait que la mise en scène était l'art d'aménager le bordel. Jouvet était bègue. Et de sa difficulté à être, il a fait un outil de communication avec les autres exceptionnel, quoi. Il a fait Jouvet avec sa difficulté à parler, on a fait un style, on a fait un... Donc, libérons-nous, n'essayons pas d'être bien ou de faire notre show. Hein. Il y a une dernière chose que je vais vous demander, parce que je vois qu'il y a des gens qui viennent... c'est pas d'être spectateur, c'est-à-dire d'être des spectres vis-à-vis de ce qui s'agit. On n'est pas là pour être spectre des acteurs. On va être acteurs nous-mêmes. On va essayer d'être acteurs et d'agir ensemble, quoi. Voilà. Si je vous gonfle déjà, n'hésitez pas à le dire, hein, que je ferme ma gueule. Se tromper est aussi utile. Voilà. Pas de spectateur, spectre acteur. J'aimerais bien avoir, mais Donc, bon, j'aurais bien demandé à quelqu'un de me donner un coup de main. J'espérais avoir peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune, mais parce que j'ai un problème, parce que ici, bien que ce que j'utilise, c'est plutôt l'art de représenter, comme Nuit Debout n'a pas de représentant, je suis déjà dans une position de un petit peu de chef en suggérant des exercices ou en suggérant des actions, quoi, voilà. Donc j'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse prendre la décision, des changements, des bruits, des machins. Enfin bon, vous allez voir ce qu'on va essayer de faire ensemble, quoi. Donc je vais commencer par vous demander. Alors bon, on va travailler pas sur l'art du théâtre, hein, ou l'art de l'expression, ou l'art de la création. Hein. On va travailler sur l'art du faire ensemble. Parce que pour moi, l'art du théâtre, c'est avant tout l'art du faire ensemble. Et de faire avec. C'est-à-dire que quand on monte une pièce, il y a des gens tellement différents, tellement contradictoires, que forcément, l'œuvre s'en ressent, et que l'œuvre est le produit de toutes ces différences. Quoi. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais commencer par quand même utiliser quelques outils qui sont propres à l'interprétation pour faire un petit training. Donc, je vais vous demander d'agir. Donc, déjà, on va commencer par faire un petit training. Alors, le training, c'est l'entraînement pour essayer de passer à autre chose que ce qu'est notre vie sociale habituelle. Donc, on va commencer par un petit training. Je vais poser ma clope parce que je ne peux pas faire 12 000 choses à la fois non plus. Donc, on va commencer par un petit training. Le petit training, ça consiste juste à se secouer. Voilà. Hein. Donc, vous avez bien compris. Vous êtes là pour expérimenter certains exercices ou certains expérimentations, hein, ensemble. Donc, voir si ça marche et si ça nous produit quelque chose. Puis, tout à l'heure, vous allez nous dire ce que ça vous a produit, si c'est intéressant, comment on peut l'utiliser, et ainsi de suite. Hein. Donc, on va commencer par changer, quoi. Donc, on va se secouer. Je vous demande de vous secouer. Un petit tremblement. Ça peut être comme si on était en train de jeter à l'extérieur des gouttes du pétrole qui nous a enduit dans le système, par exemple. Donc, on se secoue comme ça. Voilà. Voilà. L'intérêt, c'est de faire une grimace et de laisser le son venir après. Ok, on y va, chacun. Hop. Allez-y. 1, 2, 3. Grimace. Son. Voilà. Bah voilà, c'est bien. Encore un petit coup. Allez. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de travailler l'écoute active. Donc on est dans un espace ici, et je vais demander à tous les gens qui sont ici, Rico entre autres et sa camarade avec qui elle parle, de ne pas être spectateur et d'être acteur, mais de circuler dans cet espace en essayant d'employer tous ensemble, d'occuper l'espace de façon uniforme. C'est-à-dire qu'on va circuler à droite, à gauche, en essayant d'être uniforme sur cet espace-là. Et à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on va lui dire bonjour. Voilà. Ok, on y va. Comme souvent, on fait deux choses à la fois. Il faut dire bonjour, mais il faut aussi employer l'espace. Il faut que tout l'espace soit uniformément occupé par notre... Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? J'occupe l'espace. Hein. Voilà, occupons l'espace de façon uniforme. Voilà, salut, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, et Gilbert. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc on va essayer de faire encore. Alors on continue. Alors on va faire un autre exercice et occuper l'espace de façon uniforme qui est pas de trou. Hein? C'est une des objectifs de Nuit Debout d'occuper. Occupons l'espace de manière uniforme pour qu'il n'y ait pas de trou. Et comme ça on crée un tout. Hein? On crée un commun. Hein? Un commun qu'on occupe. Voilà. Je vais vous proposer un autre exercice. Alors, je les appelle des exercices, mais c'est des expérimentations. Hein. On va essayer de se compter. Cet exercice est très important parce que c'est un exercice d'écoute et d'attention à l'autre. Donc, on se compte, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va décider de dire 1, quelqu'un d'autre de dire 2, 3, 4, 5, 6, quoi. À chaque fois que deux personnes parlent ensemble, c'est naze, on recommence au début. C'est très intéressant dans les groupes qu'on constitue, par exemple au Bouffe du Nord, parce que on voit le niveau d'écoute et de sensibilité à l'autre par le chiffre qu'on atteint. Alors, on ne va pas atteindre un grand chiffre aujourd'hui, d'autant qu'il y a beaucoup de bruit, mais ça peut être intéressant, quoi. Alors on y va, allez. Ah, on recommence. C'est bien de se tromper, hein. C'est bien de se tromper. Trompons-nous, hein. 1. 2. Ah, 1. 1. 1. 1. 1. Un, cinq, oh, génial. Non, mais attendez, on peut être fiers de nous, là. 21, c'est déjà vachement bien. Même si on n'est pas dans une optique de compétition et de concurrence, ici, arriver à 21 avec des gens qui sont de passage et qui ne se connaissent pas, c'est vachement bien. Vous voyez bien ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour essayer d'être à l'écoute de l'autre, se trouver sa place. Il y a tellement de gens qui ouvrent leur gueule de façon intempestive et qui empêchent les autres de s'exprimer que... Là, on voit bien le problème, quoi. Comment on est attentif à l'autre, à soi, et comment on remplit quand même la consigne, comme disait un personnage du Petit Prince. La consigne, c'est la consigne. Enfin, voilà. Donc, voilà, premier exercice qui est intéressant, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, je vais vous proposer un nouvel exercice. C'est que... On va se regarder, je vais prendre un truc pour faire un bruit. On va se regarder les uns les autres, on va choisir une personne autour de soi. Quand je vais faire un bruit, paf, on regarde quelqu'un. Et on ne regarde pas la personne comme une personne. Ce n'est pas forcément dans les yeux qu'on va regarder. On va le regarder comme un paysage. La ride, le poil, tout ça comme un paysage, une montagne... Et donc, on va essayer d'observer l'autre, pas comme un individu, mais comme un paysage dans lequel on s'égare et puis qu'on regarde comme la rondeur de son épaule, voilà, sans jugement, quoique. Mais voilà. Alors, donc, je vais prendre un outil pour faire du bruit. Et à chaque fois que je vais taper là-dessus... Oh tiens, j'ai trouvé un truc rigolo tout à l'heure dans la rue. J'ai trouvé le doigt de la justice. En arrivant ici, Sébastien m'a tout de suite mis le doigt de la justice dans le cul. Il n'avait pas tort. Voilà. Donc le doigt de la justice. Je suis désolé de faire l'animateur et un peu le chef d'escadron là. Continuons à occuper l'espace de façon uniforme. Que toutes les personnes viennent avec nous. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir chacun une place dans cet espace, quoi. Donc, je répète le truc. On choisit, quand je vais claquer, on va choisir la première personne qui est à côté de nous. Si jamais il y en a un qui est tout seul, il faut qu'il rejoigne un groupe. Et à chaque fois que je vais faire ce bruit-là, quoi, on va changer de personne et regarder l'autre et prendre le temps de le regarder comme un paysage. Ok ? Pas forcément dans les yeux. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. 1, 2, 3. On reste sur la personne qu'on a choisie. On découvre, on le parcourt comme si on cheminait dans la campagne ou dans la montagne. On reste sur la personne qu'on a choisie. Donnez-lui votre regard, restez sur lui, n'ayez pas peur de lui. Il ne vous regarde pas, il regarde un paysage. On change. On ne se refuse pas, on s'offre, mais en même temps, comme on est en train de regarder l'autre, hop ! Le premier qui vient, choisissez pas, allez-y, hop ! Restez sur la personne que vous avez choisie. Je sais bien que c'est un petit peu impressionnant. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est l'impression que ça nous fait. Être conscient de l'impression que ça nous fait. Restez sur la personne. Vous n'êtes pas forcé de regarder ses yeux. Vous pouvez regarder ses mains, ses épaules. On change. Hop ! Je rappelle la consigne, on tombe sur quelqu'un et on le regarde comme un paysage. Pas forcément dans les yeux, on regarde ses poils, ses couleurs, ses beautés. On reste sur la personne qu'on a choisie au moment de changement. On change, hop, hop, on reste sur la personne. Oui. On est plein de ce que nous sommes, ils sont pleins de ce qu'ils sont, mais on est ensemble, un peu fragile, un peu étonnant, quoi, un peu perturbant. Hop ! Voilà, on va s'arrêter là. C'est incroyable comme tout de suite on a une peur, quoi, d'être dévoilé, que le mec qui te regarde soit en train de regarder le matériau et que tu puisses pas lui tenir ton regard dans son regard pour l'empêcher de voir autre chose que tu voudrais lui montrer. Alors que là, on est dans... On se regarde tel qu'on est, quoi. Comme des individus, comme des matières, comme des reliefs. Je continue. On en propose un autre. J'y vais, hein. Je tente et vous me direz ce que vous en avez pensé après. Hein. Se compter le visage comme un paysage. Bon, on va essayer de faire ensemble. Alors là, on va s'asseoir une seconde par terre. Continuons à occuper. On va essayer de se resserrer comme une masse, là, pour changer. On va essayer de se mettre au contact les uns des autres. Et je vais vous proposer un jeu qui marche bien en milieu scolaire. Ça. Rapprochez-vous de manière à être au contact et de former une seule masse. Alors voilà, je vais prendre... je vais prendre un... Je vais prendre un, comment ça s'appelle, un stick, comme on dit, un joystick. On va jouer, rapproche-toi des autres. Rapproche-toi des autres. Qui est-ce qui est parti? Rapprochez-vous des autres. Bon, c'est pas grave. Rapprochez-vous des autres. Ça s'appelle la soucoupe volante. C'est tout simple, hein. Je vais faire le conducteur d'une soucoupe volante et vous, vous êtes à l'intérieur de la soucoupe volante. C'est-à-dire que c'est simple, c'est par exemple, on se met tous ensemble du côté là, comme ça, voilà, voilà, comme quand on est dans une voiture. Tu vois, on part, hop, le mouvement il vient là, ok. Je recommence au début. Je vais faire démarrer la soucoupe volante, ok. Et on va être secoué par les mouvements, un peu comme dans une deux chevaux, quoi, voilà, par exemple. J'ai mal au cœur. Eh oui, c'est l'heure de vomir, vite le sac à vomi. Et il n'y a pas de spectateur ici, il n'y a pas de spectre, il n'y a pas de fantôme, il n'y a que des acteurs. C'est un des problèmes de la place, c'est le rapport au spectateur. Nous sommes tous des acteurs. Viens donc le cori, le riri, le coco, le rico. Viens avec nous, quoi, merde poil aux obes. Bon, alors, on continue. Circulation, soucoupe volante. Alors, Gromle, est-ce que vous connaissez le Gromle? Non, mais viens. Mais viens, non, mais fume ta clope ici, puis c'est mieux, c'est pas grave, tu me le passeras. Hop. Donc, est-ce que vous connaissez le Gromle? Le Gromle, c'est une chose qui est beaucoup utilisée pour se libérer, pour éviter en improvisation d'avoir des choses intelligentes à dire. Le Gromle, on l'entend régulièrement sur la place, mais fait avec des mots, avec des idées, des convictions. Le Gromle, c'est... Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de mots, d'intelligence particulière et de rhétorique pour exprimer des choses et se les passer. On va utiliser ça, le Gromle. À travers un exercice. Mais venez donc, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Venez donc rigoler avec nous, mesdemoiselles. Mais oui, venez vous violenter, c'est ce qu'on fait tous les jours sur la place. Donc, je vais utiliser un exercice qu'on appelle le grégorien. Vous connaissez le chant grégorien, hein? C'est simple, le chant grégorien. Oh, il va me falloir mes deux mains, je vais réussir. Je vais le mettre là, ça va être bien. Non, elle tient toute seule. Le grégorien, ça consiste à suivre mes mains. Alors, avec le Gromle, donc on va faire, par exemple, quand je suis là, bah, c'est silence. Je monte, on fait un peu de... Vous avez compris? Ok? Vous suivez mes petites mains qui se confondent avec les touches du piano? Ok, le piano c'est vous. Les miens, c'est mes miens. Les miens, c'est mes miens. Alors voilà, donc on commence. Chut, silence. Chut. Alors on va partager le groupe en deux. Donc on va faire une limite là par là. Ok. Vous pouvez participer, hein, les gars, les filles, là. Moi, c'est frileux, hein. C'est vrai qu'il fait froid. Donc, à couper le groupe en deux, ma main droite dirige la moitié droite. S'il y avait une jeune fille comme ça, je lui aurais donné le pouvoir d'agir sur les gens. Tu veux venir, toi? Viens. Viens faire ça. Viens les diriger, là. Viens les... T'as compris l'exercice, hein? Vas-y, alors, prends le groupe, déjà. Et amuse-toi à les faire parler comme ça, vas-y. Alors maintenant, on va séparer le groupe en deux. On fait la moitié, et avec ta main droite, tu diriges cela, avec ta main gauche, tu diriges ceci. Ok, ça marche? Alors vas-y, sois précise. C'est rigolo, hein, ça marche bien. On va faire plus difficile, mais reste avec moi. On va faire plus difficile. On va. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Parce que c'est un peu violent ce qui me vient l'idée. Je voulais séparer entre victime et bourreau. C'est moi le bourron. C'est toi le boudure. Donc, séparer entre victime et bourreau. Mais viens, Seb! On est en train de faire du show et les gens prennent ça pour du show. Mais on n'est pas en train de faire. Donc là, ici, sont les victimes, on va dire. Et ici, sont les bourreaux. Et on va voir ce que ça exprime au niveau des choses. Quoi. Par exemple, je fais un petit essai avec eux. Alors, victime. Bourreau. Allez-y dans les pleurs. Hein. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Ah, elle s'en va. Voilà, on peut inclure un truc plus sympathique. Enfin, on va faire les joyeux, les amers. Ok? Les joyeux à droite, les amers à gauche. Les amers indiens, bien sûr. Allez, rigole. Alors, tu veux... Non. Fais le joyeux ou fais l'indien... Mais non. Il faut avoir un. Il faut se mettre dans un parti pris. Non, moi j'ai pas de parti. D'accord. Ah, je savais que t'étais un eunuque, mais on me l'avait dit. Bon. Alors, joyeux à droite, amer à gauche. Voilà, on introduit des choses un petit peu plus pointues au niveau des intentions, au niveau de la sensibilité, mais on s'amuse à faire semblant pour l'instant, hein. C'est sûr que... Ah, elle est toujours bonne, la cam. Alors, donc, on continue les petits exercices. Ça, c'est soucoupe, solidaire, gromme-le. Qu'est-ce que j'ai fait préparer d'autre? Ça, c'était hop. Voilà. Grégorien. Grégorien par moitié, Grégorien intention, joyeux anniversaire. Enfin, voilà. Bon, on va se redresser, on va se relever, on va se mettre en cercle, c'est bien. Allez, viens, Kiki, Riri, Coco et Grico, Cécé, Baba, Titi et Tiens-Tiens, Sébastien. Antoine, c'est sympa. Edwige, c'est chouette. On va se mettre en rond. Alors là, on commence à arriver dans du difficile. On commence à arriver dans du difficile puisque ça consiste à être, à expérimenter et à, je veux dire, travailler l'écoute. L'écoute de l'autre, la disponibilité à l'autre. Donc on est, on peut se tenir par la main ou il y en a qui ont peur? Ou il y en a qui peuvent pas, peut-être. Voilà. Alors, je vais remettre ça. Parce que je voulais m'acheter un casque pour faire ça. Parce que... Alors, voilà. On va se mettre... Non, il faut que je garde le papier. Dans les parties, comme disait Seb. Okay. Ouais, c'est simple, hein, vous connaissez le truc. On fait passer un signe. Hop. Ah non, je connais pas, moi. Ah, il faut poser sa bière. Faut poser sa bière, Riri. Ça s'appelle le courant voilà. Électrique. Alors, on va juste faire ça pour commencer à comprendre. Hop, une impulsion. Non, mais justement, l'intérêt, c'est d'être à l'écoute disponible à l'autre et d'être à l'écoute de l'autre. Si par exemple, je... Ah ben voilà, mais ça c'est... Bah oui, mais c'est le problème. Oui. Allez, on continue sans Rico. Si vous avez une difficulté, un problème, il ne faut pas oser. On va juste faire ça pour expérimenter ça. Je lance une impulsion, tac, hop, elle est repercutée. Hop, j'en renvoie une. J'en renvoie une dans l'autre sens. C'est moi qui me suis planté en plus. Voilà, on en arrive de partout. Bon, vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec un petit geste. Par exemple, moi, je vais lancer, tu reprends et tu l'envoies à l'autre. Et j'en envoie un dans l'autre sens. On fait passer le geste de l'un à l'autre. Et quand on se recroise, oui? Bien, oui. C'est un sentier de nous, non? Ah, mais j'ai reçu ce que tu m'as envoyé, bien sûr. Ah, mais très fort. Bon, on recommence. On va faire un petit geste. Donc, par exemple, D'ailleurs, je ne vais pas donner d'exemple. Quelqu'un va le faire spontanément, va envoyer le premier geste à la personne qui est à droite. Et hop, à droite ou à gauche, peu importe. Et puis après, on va renvoyer un geste et on essaye de prendre le geste de l'autre, de le passer. Oui, comme on a fait avec les poignets. Alors, vas-y. Voilà, là, on commence à... Là, on est dans la difficulté, parce qu'il y en a un qui arrive, il y a un mec qui dit « Moi, je suis pour le Parti communiste », et l'autre qui dit « Moi, je suis pour le Parti socialiste ». Et là, il y en a un qui est au milieu, qui dit « Mais pour quel parti je suis ?» C'est le problème. C'est le question. On commence ? Hein ? Non, je faisais une allusion aux questions que l'on se pose sur la place... dans l'écoute et la disponibilité. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à comprendre souvent ce que l'autre pense et à faire la différence entre ce que l'autre pense et ce que nous-mêmes nous pensons. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire, je prends ce que l'autre m'envoie, je le renvoie et je renvoie ce que je reçois. Quoi. Voilà. Voilà. Alors, qui c'est qui propose un geste? Voilà. Reste sur tes partenaires. Voyez. Et l'autre. Bon voilà, continuons. Continuons. Bon alors moi j'avais fait un petit sketch roll, une petite. Alors faire tourner un geste simple, puis deux. Contre-geste, contre-sens, objet. Ah, si je vais vous proposer un truc encore plus rigolo, toujours de la même manière. C'est-à-dire que là on va prendre un objet. Je vous le montre pas, vous l'avez peut-être vu. Enfin bref. Donc avec cet objet, qu'est-ce qu'on invente? Et en même temps, avec cet objet, qu'est-ce que l'autre invente? Donc on prend le geste de l'autre, on le reproduit et on invente un nouvel objet vis-à-vis de l'autre, qui l'autre va reprendre ce qu'on a fait et ajouter et donner une nouvelle page. Soyons clairs, enfin, je ne suis pas là pour être clair, puisque je disais tout à l'heure que l'important c'est que chacun comprenne ce qu'il a envie de comprendre mais, et trouve la solution, quoi. Donc, je vais donner un objet. Quelqu'un va utiliser l'objet d'une certaine manière. Je vais reprendre l'objet tel qu'il me l'a utilisé. Et puis, je vais réinventer une autre manière d'utiliser l'objet. OK ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition, ce coup-là. Non, on répète l'objet, l'utilisation qui vient de nous être faite. Et on répercute une nouvelle utilisation. OK ? Donc... voilà. Voilà. Alors, on reprécise, hein. C'est parce que je suis pas clair, mais c'est normal. Il faut que chacun réussisse à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc... l'objet lui-même doit donner une idée. C'est pas comme le geste tout à l'heure. Il faut qu'il soit en circonstance. Il faut qu'il soit circonstancié par rapport à cet objet qui a deux trous, trois trous. Je ne sais pas ce que ça peut devenir. On peut l'ouvrir, on peut faire des choses. Donc, il faut que ce soit circonstancié, que ce ne soit pas seulement en rapport. De la même manière que quand on répond, quand on prend un tour de parole et qu'on répond à quelqu'un ailleurs que là on aurait dû être dans la discussion, ben on se retrouve dans la même problématique, quoi. Donc voilà, donc on prend l'objet, tu inventes quelque chose avec cet objet, en rapport avec cet objet, tu le passes à l'autre, cette utilisation que tu en fais, l'utilisation que tu en fais est reproduite par ton camarade, et puis après, tu en inventes une autre. Ok ? Ça y est. Non, non, mais reprends son geste. Faut que tu recommences par refaire son geste. Non, non, le deuxième. Eh oui, c'est très difficile de s'écouter et d'être attentif et d'être disponible. T'as raison. Mais ouais, c'est très compliqué. Et alors, quand on est... l'expérimentation... Allez, vas-y. Vas-y, il faut te concentrer. Allez, vas-y, propose une utilité. Reprends son geste. Bien sûr, mais on est, il n'y a pas de souci. Non, non, tu recommences son geste. Ouais, d'accord. Adapté. Et t'en inventes un autre. Et t'inventes un geste avec ton objet. Maintenant, tu reprends son geste et t'en inventes un nouveau. et ton camarade va reproduire le geste que tu as inventé et en inventer un nouveau. Ça s'appelle enchasser, accumuler et ne pas nettoyer ce qu'ont fait les autres. Tu fais la même chose. Ouais, il faut assumer ce que les autres ont dit, oui. Ouais, non, mais... Et t'inventes ton propre geste. Il a augmenté son geste, il a poussé. Non, pas unifié. Bon, je vais arrêter là parce que j'entends mon camarade Rico qui parle d'unifier. Là, il n'est pas question de faire la même chose. Hein. Il est question d'écouter et d'avoir sa personnalité. Hein. Voilà, c'est pas uniforme. Hein. On n'est pas au moment de la tour de Babel où tout le monde a voulu faire la même chose. Je lui demandais quand est-ce qu'il baise et il m'a dit c'est Voilà. Voilà. Alors, donc, je vais passer à un autre niveau, si on y arrive. Contre-geste, tourner les jours de la semaine. Alors, vous voyez, par exemple, ce genre de truc, où on passe ces gestes, on en arrive, quand on arrive à avoir un groupe vraiment efficace, quoi, à dire les jours de la semaine, à faire tourner les jours du mois, et en plus à rajouter les gestes. On fait tourner les jours de la semaine, tu dis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De l'autre côté, tu fais tourner les jours du mois, mars, avril, mai, juin, et en plus, tu rajoutes les gestes. Jeff, hein? Excuse-moi. Docteur, c'est docteur. Docteur, merci. C'est collective, c'est ça? On en reparlera après, je fais des exercices, on en parle après. Hein. C'est collectif. C'est l'art du faire ensemble, oui, c'est ça. L'idée, c'est d'amener les gens, plutôt que de penser ensemble, ce qui n'empêche pas de penser, à faire ensemble. Voilà. Bon. Alors, on va passer à un autre niveau. On s'approche d'une technique qui est employée, inspiré par un monsieur qui s'appelle Augusto Boal. Alors moi, je connais assez peu le théâtre Forum, mais ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice assez... un petit exercice simple. On va essayer de créer un paysage ensemble. On est tous là. On va essayer d'imaginer tous les gens qui sont là. On va essayer de créer une image de la montagne avec ses vallées, ses pics, ses vallons et ainsi de suite. Donc, on va commencer par un autre exercice. On va commencer par une autre expérimentation. On va faire un geste en direction de l'autre, sans le toucher. Et à chaque fois que je vais faire le bruit, là, comme j'avais fait tout à l'heure, là, où je vais faire hop, on va rester simple, on va changer de geste et on va le faire en direction, quoi. Par exemple, je vais faire... On reste comme ça 5 minutes, 4 temps. Et hop, je vais faire un bruit et on va faire un autre. Et on va essayer de faire un geste qui va nous rapprocher le plus possible tous ensemble, quoi. C'est-à-dire pas seulement à une personne, mais à un ensemble, quoi. Ok, on essaye ça, vous avez compris ce que je veux dire? On ne fait pas tous le même geste. Chacun fait son geste. Alors attention, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puisqu'on en a marre d'avoir des chefs, sur cette histoire de temps, 1, 2, 3, 4, je vais arrêter de le faire et vous allez tous le faire en même temps. Ça va donner ça. Alors, 1, je fais le premier. 1, 2, 3, 4. C'est chacun son geste, hein. Je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on continue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un patron qui vous dise, au lieu d'avoir un patron qui vous dise au moment où il faut le faire, qu'il faut le faire, on essaye de trouver un rythme collectif qui nous amène à le faire tous ensemble différemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le geste, il faut regarder ce que ça se passe, ce que ça fait, quelle est l'image globale qu'on a faite. Ok ? Alors je fais le premier, tu comprends ? Pardon ? J'ai raison. Allez, on recommence. Je lance le premier, et puis après, on essaye tous de trouver le rythme et de le faire ensemble. Ok ? Et là, on va vraiment faire quelque chose ensemble, sans directeur. Ok ? Je lance le premier. 1, 2, 3, 4. On regarde tout le monde là, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle est cette image globale ? 1, 2, 3, 4. Et je me tais. 4. Oh mais tu vas vite. Ouais. Et puis tu es déjà en train de l'imprimer. Tu prends la place, t'as dit 4. Tu prends la place du patron. Bon voilà, on continue, mais c'est pas une critique, au contraire, t'as bien raison. Mais non, si, justement, par exemple, si je vous dis, regardez, on va faire un exercice qu'on fait souvent, moi que j'utilise quand je répète avec et que je joue avec mes camarades au théâtre. On fait ça. Voilà. On se prend par la main. Quand on fait un film. En général, on se prend par la main, comme ça, quand on est avant d'aller jouer une pièce. Bon. On va aider le camarade pour qu'il se casse pas la gueule. Donc, l'idée, c'est de faire ça. On va croire que quelqu'un a donné ça, mais personne, si on demande. Là, tout à l'heure, c'était le camarade qui a lancé. Là, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se déclencher. Ça va peut-être être un coup de vent. On va croire que c'est un mec qui a dit qu'il allait démarrer, alors qu'en réalité, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Comment on peut faire ensemble, de façon vraiment commune, sans que personne ne décide. Ah oui, t'as raison. On peut le faire doucement. Hein. Et on lâche les mains, surtout quand on descend. Vous voyez, personne n'a décidé de ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que hop, ça s'est passé quoi. Voilà. Bon, je continue parce qu'on va aller au débrief. Là, j'arrive à mes 20 minutes, à mon avis. On a fait un petit exercice tout à l'heure en faisant des gestes ensemble et en changeant tous les 3-4. Là, moi, je vous propose doucement, sans rythmique, de s'organiser pour donner, pour créer un paysage de montagne. Ok ? Avec ses cimes, ses vallées et tout ça, quoi. Donc on s'organise les uns les autres en regardant ce qui se passe à côté. Et vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire qu'un paysage de montagne ? Il y a des reliefs, des... Oui. Je suis montagneux. Je viens de la montagne. Tu viens de la montagne ? Ouais, ouais. Chez nous, ouais. Merci, docteur. Voilà, alors on le dit pas. C'est-à-dire. On va le faire. Ah, la montagne, tu sais que ça devait dire, la montagne ? On va faire un paysage de montagne tous ensemble. Ah ouais, okay. Tout de suite là ? Là maintenant, là. Allez, alors on prend notre temps, hein. Il n'y a pas d'urgence et on n'est pas obligé de faire bien. Le berger était bien, oui, le berger était bien. Alors, j'ai oublié le... J'en arrive à la conclusion. Donc, je vous propose de faire un paysage républicain. Le paysage de la République. Qu'est-ce que c'est que le paysage de la République ? Je ne sais pas. On arrive à quelque chose d'abstrait. J'aurais pu passer par la mer, mais on va arriver à la conclusion. Le paysage de la République. Et regardez et observez, effectivement, quand on sera en position... sans trop tourner ce qui se passe entre nous. Allez, on essaye de faire la République. Regardez les autres, continuez ce que vous êtes en train de faire et regardez ce qui se passe à gauche. La révolution. Regardez. Ça a été très sympa, on n'était pas très nombreux, donc c'était facile, on était un petit peu entre soi, comme on dit sur la place, et comme on critique souvent. Mais bon, moi je me suis bien amusé, je ne sais pas si vous êtes amusé. Et ça m'a aussi, je vais lancer le débat et puis les critiques, ça m'a aussi quand même renvoyé à nos difficultés, quoi, à nos difficultés, puis en même temps à cette capacité qu'on a d'être nous-mêmes. Quand on voit les images qu'on a données, à la fin, il y avait vraiment des personnalités différentes, il y avait vraiment des gens et qui arrivaient à créer une image globale, quoi. Et ça me... Voilà, voici. Alors, ces exercices-là, je les ai expérimentés avec vous. J'aimerais voir avec vous si on peut... Oui, par exemple, on se regarde, j'ai un peu la sensation d'être avec un groupe, avec des copains, quoi, là, maintenant, là. Donc voilà, je voudrais savoir si vous pensez que faire ce travail... Non, mais non seulement j'en ai beaucoup, mais il y a plein de gens qui en ont beaucoup, quoi. Si... Pardon ? C'est pas copain, c'est citoyen. Tu vois ce que je veux dire ? Copain. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez d'utiliser ce genre d'outils pour créer du commun, quoi, voilà. Moi, il y a en tout cas celui du regard, là, où on regarde l'autre et on le détaille, que j'ai trouvé vraiment intéressant et difficile aussi. Mais ça, en fait, c'est le fait de se sentir regardé et de regarder. Parce que les fois où je regardais quelqu'un qui ne me regardait pas, ça faisait pas du tout la même chose. Donc, le fait de se sentir regardé et de regarder l'autre, on a déjà l'impression de rentrer d'une certaine façon dans son intimité. Et aussi, on peut pas s'empêcher de croiser son regard pour savoir de quelle façon il nous regarde. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez puissant, en fait. Donc ça me faisait quelque chose à l'intérieur, en fait, une sorte de mal à l'aise où je savais pas trop, mais ça produisait quelque chose et c'est resté un petit peu derrière encore. Voilà, c'était vraiment l'exercice. Moi, c'est ce que j'appelle l'expérimentation de l'émotion, parce qu'on est toujours agi par de l'émotion. Et justement, tu disais tout à l'heure qu'on avait par exemple peur d'être jugé ou comme ça. Mais, et en fait, moi, j'ai encore plus ressenti la peur de l'autre d'être jugé par mon regard, en fait. Et du coup, j'avais vachement peur de ça, surtout, en fait, de juger et qu'ils se sentent jugés par mon regard. Non, c'était petits exercices pour moi faire passer un message, donc un geste, un contact. Où visiblement c'est assez difficile justement de retransmettre un simple geste, alors quand il s'agit de faire circuler une parole, c'est encore ça doit être bien, c'est bien pire. Est-ce que c'est international ou national? Non mais parle dedans, je t'en. Oui, je sais, merci docteur. Est-ce que c'est national ou international? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah, c'est pas grave, je parle ma langue, je flaune Ekweina. Je flaune Ekweina, qui est la République. Il n'y a pas de souci, on n'a rien fait. Alhamdoulilah, nous sommes des musulmans, oui, on n'a rien fait. Ça ne me dérange pas du tout, quel que ce soit. Ok, salut. Que je peux me permettre de te demander, comme tout à l'heure quand on a passé un geste de l'autre et qu'on l'a reproduit, est-ce que tu as la sensation dans la réponse que tu viens de faire, qui avait pour intention de nous parler de quelque chose qui était important pour toi, est-ce que tu as eu l'impression que tu reprenais ce qui existait avant pour l'augmenter, ou est-ce que tu as complètement changé de sujet pour passer à autre chose ? Ça n'a rien à voir, désolé docteur, désolé, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Juste, je parle comme ça pour transmettre un message, c'est tout. Est-ce que tu comprends pas la Chine, nous sommes des Chinois kabyles, nous sommes des kabyles. Docteur, s'il te plaît. Je t'ai pas donné toujours. On n'a rien à voir. Là, on était dans un paysage de montagne où là, on est en train de parler de ce qu'on vient de faire. Au contraire, ça fait plaisir, docteur. Ça fait plaisir. Quand même, ça m'a donné une idée. Tu vois, ça m'a réfléchi, quoi. Là. Oui. Comme quoi je suis oblète à la. Je suis un Algérien, docteur. Merci, grand patron. Tu m'appelles docteur, je t'appelle grand patron. Tu vois, j'augmente. Puisque tu m'appelles docteur, j'en ai grand patron. Alors, grand patron, et ainsi de suite. C'est un Seb. Excuse-moi, mon petit chef. Allô ? Excuse-moi. Je vais répondre à ce que tu es en train de dire. Faut savoir que l'atelier qu'il y a eu là, c'est un atelier en fait où il n'y a pas de racisme, où il n'y a pas de tout ça. Tu peux être kabyle, tu peux être nord-africain comme sud-africain ou n'importe quoi. Les personnes ici, faut savoir que... Oui, mais je suis d'accord, mais tu parles beaucoup de la Kabylie. Et moi, je veux dire, vous les, nous, en tant que citoyens du monde, Kabyle ou n'importe quoi, on s'en fout du moment qu'on a un cœur et on est en chair et en os, c'est le principal. On est des citoyens du monde, alors on n'a pas besoin de dire qu'on est Kabyle, qu'on est gitan, qu'on est musulman, qu'on est orthodoxe ou catholique ou n'importe quoi. Mais on doit dire tout simplement, bon ben voilà, oui, moi j'ai regardé parce que je suis arrivé un petit peu, j'ai dû aller faire une course, j'ai vu un petit peu la fin de l'exercice de Monsieur Jeff, et l'atelier que tu as fait, bon, j'ai pas pu participer parce que je suis arrivé bien après, mais tu vois, pour moi, cet exercice peut prouver aux gens que tout simplement, on est tous réunis, on a tous un côté enfantin, un côté d'acteurs, de comédiens, et ce côté-là, en fait, les gens l'ont oublié. Parce qu'ils ont oublié le système de vivre dans la simplicité, de vivre tout simplement en se disant que tout simplement, allez, l'autre il est pas pareil que moi, alors bon voilà, j'ai pas besoin d'aller rigoler ou déconner avec lui. Sauf que sur Nuit Debout, ce que je remarque, on est tous pareils, on est tous citoyens du monde, et pourvu qu'on reprenne ce système dans ce peuple qui est dirigé par de la finance, et que tout simplement on regarde plus l'homme comme il est, mais on regarde tout simplement l'homme avec son portefeuille. Tout à l'heure, j'ai juste jeté un petit témoignage, et franchement, ça veut tout dire. Je tapais la manche à deux pas juste à côté. Je suis tombé sur un petit groupe de trois personnes, dont un homme et deux femmes, dont une qui était assez âgée. Ils avaient plus de scotch pour afficher des affiches. De disparition de leur animal qui était un chat. Et puis moi, dans ma poche, je fouille, j'avais du scotch. Et les gens, je leur ai donné, et ils m'ont répondu, oui, mais on n'a rien derrière à vous donner. Je sais, si vous avez un seul truc, tout simplement un merci, un sourire. C'est le principal de la chose. Parce que c'est pas parce que on est peut-être en sous-différence. Mais la différence, c'est à cause du capital, c'est pas à cause de tout ça. Voilà. Et à la fin, ils ont voulu me le rendre pour derrière. Que moi, je leur dis, non, gardez-le, j'en ai un deuxième, c'est important. Et je m'en fous parce que ça s'appelle la solidarité. Et il y a un seul mot qui s'appelle le partage. Tu donnes ce que tu peux, même si je suis à la rue. Merci bien. Donc du coup, s'il n'y a plus Attends. S'il n'y a plus d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer sur ce qui s'est passé pendant l'atelier, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là cette première intervention. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup, Jeff. C'était super. Super. Donc, je pense qu'on... Enfin, ça, on y réfléchira encore par rapport à ce que ça nous a fait. Mais merci beaucoup, en tout cas. C'était une expérience. Et donc, du coup, on va passer à la suite.